Chapitre 10. Pendant qu'il allait près de son fils et de sa fille, installés à l'autre bout du salon, Robert s'approcha de Madame Fourcy. Il marchait d'un pas saccadé, la tête haute, le visage pâle, les lèvres serrées, en proie, bien manifestement, à une émotion profonde. « Vraiment, la soirée est superbe, » dit-il en parlant d'une voix claire, de façon à être entendu de Fourcy, ainsi que de Lucien et de Marcel. Et il s'assit auprès de Madame Fourcy. Alors, se penchant vers elle, mais sans la regarder et d'une voix étouffée, à peine perceptible, « Il faut que je vous voie cette nuit, » dit-il rapidement. « Vous êtes fou ?»« Il le faut. » Cela fut jeté avec violence. Puis il ajouta plus bas encore, sur le ton de la prière, « Ce que vous avez bien fait hier, vous pouvez le faire aujourd'hui. »« Non. » « Parce que, » dit-il en relevant les yeux et en la regardant en plein visage, « parce que c'est impossible. » « Ce n'est pas une réponse. » « Encore un coup, vous êtes fou. » « Oui, fou de colère, de douleur, de jalousie, vous le voyez bien ?» Il s'était exalté et il ne pensait plus à modérer sa voix. « Parlez donc plus bas, » dit-elle. « Et vous, répondez-moi. » « J'ai répondu. Geneviève. » Dans cet appel, il y avait un cri de désespoir si puissant qu'elle comprit mieux que par de longues explications ce qui se passait en lui. De son côté, au regard qu'elle attacha sur lui, il sentit qu'il l'avait touché. « Cette nuit, » murmura-t-il, « je t'en prie, Geneviève. » Elle hésita un moment. « Non, pas cette nuit, » dit-elle enfin, « tout de suite. »« Comment ?» Sans répondre, elle se leva. Comme il la regardait stupéfait, sans comprendre ce qu'elle voulait, « Restez là. » Elle se dirigea vers son mari. « Il est dans un état violent, » dit-elle à mi-voix. « Cela se voit. » Je crois qu'il serait bon de lui adresser quelques paroles affectueuses. J'ai envie de lui proposer une promenade dans le jardin. Qu'en penses-tu ? C'est une excellente idée. Parle-lui comme une mère. Cela touchera son cœur, bien certainement. Elle revint à Robert, qui était resté immobile à la place où elle l'avait laissé, la suivant des yeux pour tâcher de deviner ce qu'elle disait à son mari et ce qu'elle voulait faire. « Si vous voulez m'offrir votre bras, » dit-elle de façon à être entendue de tous, « je ferai volontiers un tour de jardin, moi aussi. J'ai envie de jouir de cette belle soirée. » Ils sortirent. À peine avaient-ils fait quelques pas dans le jardin que Robert voulut prendre la parole, mais elle l'arrêta. « Attendez, » dit-elle, « que nous soyons à un endroit où l'on ne puisse ni nous entendre ni nous surprendre. » Pour gagner cet endroit où elle le conduisait, il fallait traverser un petit bois plein d'ombre. Lorsqu'ils furent arrivés au milieu, il la prit brusquement dans ses deux bras et il la serra contre sa poitrine en cherchant ses lèvres pour l'embrasser. Mais elle baissa la tête et l'ayant repoussée, elle se dégagea. « Nous avons à parler, » dit-elle. « Vous à moi, moi à vous. Ne perdons pas notre temps. »« C'est perdre notre temps ?» Sans répondre à cette exclamation, elle continua d'avancer, marchant seule, sans reprendre le bras qu'il lui tendait. L'endroit où elle le conduisit ne fut point l'allée dans laquelle il s'était entretenu avec Fourcy, mais une pelouse découverte où, par cette nuit claire, on ne pouvait pas les approcher sans qu'ils s'en aperçussent. « Mais on peut nous voir ici, » dit Robert, regardant autour de lui lorsqu'elle se fut arrêtée. « C'est justement ce qu'il faut, car nous aussi nous pouvons voir. Qu'avez-vous à me dire ? Parlez. » Ils restèrent un moment en face l'un de l'autre sans qu'il prît la parole, se regardant, s'observant, car la lumière de la lune, qui éclairait en plein leur visage d'une pâleur argentée, était assez brillante pour qu'ils pussent lire dans les yeux l'un de l'autre. « Ce n'était point ainsi, ce n'était point ici, » dit-il enfin, « que je voulais qu'eût lieu notre entrevue. Alors pourquoi me l'avez-vous demandé pour ce soir même ? Pour cette nuit, non pour ce soir, parce que cette nuit, au bras l'un de l'autre, je vous aurais parlé. Vous m'auriez écouté autrement que nous ne pourrons le faire ici. Vous savez bien que c'était impossible. Et pourquoi impossible ? Elle haussa les épaules. Vous ne voulez pas répondre, s'écria-t-il d'une voix contenue, mais cependant avec véhémence. Eh bien, je vais moi répondre pour vous. parce que c'est l'anniversaire de votre mariage et que vous voulez être à votre mari tout entière, à votre mari qui vous aime et à qui vous payez en tendresse, en dévouement, en affection, en amour, la passion qu'il éprouve pour vous. » Elle le regarda de haut et ses yeux, réfléchissant la lumière, lancèrent deux éclairs. « Qu'est-ce qui vous prend ? » demanda-t-elle. « Je vous répète les paroles mêmes qu'il vient de me dire. Comprenez-vous maintenant que je sois fou de désespoir et de jalousie, moi qui vous aime, non pas d'un amour de mari, mais avec toute la passion d'un amant qui ne vit que pour vous, que par vous, qui n'attend rien que de vous, bonheur ou malheur ?» Au lieu de répondre à ce cri désespéré, elle interrogea. « Pourquoi ? Comment ? À propos de quoi a-t-il parlé de cela ? » demanda-t-elle. En me reprochant de sacrifier ma vie à une maîtresse qui ne pouvait que me dessécher le cœur, et en se donnant, en vous donnant, vous et lui, comme un exemple vivant du bonheur qui attend ceux dont la jeunesse a été à l'abri des passions. » Elle resta assez longtemps sans parler, le regardant, l'examinant. Puis tout à coup, comme si elle prenait une résolution qu'il fallait coûte que coûte exécuter, « Eh bien, il a eu raison, » dit-elle d'une voix ferme. « Raison ? Vous lui donnez raison ? Vous ? Vous ?»« Oui. Raison ? Il a eu raison de me dire qu'il vous aimait et que vous lui payez en tendresse, en dévouement, en affection, en amour, la passion qu'il ressent pour vous. Vous savez que cette affection et ce dévouement sont réels, et il n'était pas besoin, il me semble, qu'on vous les signalât pour que vous les vissiez. Vous les ai-je jamais cachés ? Depuis que vous êtes entrée dans cette maison, ces sentiments qui sont dans mon cœur ne se sont-ils pas montrés franchement et de toutes les manières? Vous ai-je jamais trompé à cet égard? » Il leva ses deux poings fermés vers le ciel. Puis les ramenant violemment, il se les enfonça dans les yeux. « Ce n'est cependant pas à propos de cela que je vous ai dit qu'il avait eu raison, » continua-t-elle, « mais bien à propos des avertissements qu'il vous a donnés sur votre maîtresse, sur celle à qui vous sacrifiez votre vie et qui ne peut que vous dessécher le cœur. « Mais cette maîtresse, c'est moi, oui. Croyez-vous donc que parce que cette maîtresse, c'est moi, je vais la juger moins sévèrement que je ne jugerais une autre ? Croyez-vous que je me trouve moins dangereuse que ne le serait une autre ? Pire, peut-être. Que puis-je être pour vous ? Rien qu'une maîtresse qui se donne à demi, sans pouvoir se donner entièrement, puisqu'elle n'est pas libre et ne s'appartient pas. Une femme qui vous tourmente, qui vous enfièvre, qui prend votre vie sans vous donner la sienne, qui, en échange de votre jeunesse, ne vous a apporté que sa vieillesse. Si encore elle vous rendait heureux, mais quelle joie a-t-elle à vous offrir ? Que peut-elle pour vous ? Tout. Rien, mon pauvre enfant, rien qu'user votre cœur, le flétrir, le dessécher, et de telle sorte que quand il sera guéri de cet amour, il ne sera plus ni assez fort, ni assez sain, pour ressentir et nourrir un nouvel amour qui devrait être sérieux, celui-là, et durable. L'amour d'un mari pour sa femme. Vous voyez bien qu'il a eu raison de vous parler comme il l'a fait, et qu'en cela je pense, je sens comme lui, et même avec plus de force, avec une conviction plus ardente, puisqu'elle m'est inspirée par le sentiment et le remords de ma faute. » Elle se cacha le visage entre ses deux mains, comme si elle ne pouvait pas supporter le regard qu'il attachait sur elle. Mais comme il allait répondre, elle le prévint. « Je n'ai parlé que de vous, » dit-elle, « car dans cette liaison fatale qui nous attache l'un à l'autre, vous êtes la première victime, la plus intéressante, la seule qui mérite l'intérêt. Mais moi, croyez-vous que de mon côté, je ne sois pas malheureuse aussi, la plus malheureuse des femmes, dévorée de honte ? Jusqu'à ce jour, je ne vous ai pas parlé de mes tourments, car je voulais, au moins, ne pas vous attrister inutilement. Et bien souvent, j'ai essuyé mes larmes, pour ne vous montrer qu'un sourire qui devait vous donner quelques minutes de bonheur. Mais enfin, Robert, j'espère que vous m'estimez assez pour ne pas croire que dans cette liaison, dans cet amour, je n'ai trouvé qu'un paisible bonheur sans angoisse, sans regret, sans remords, et que je n'ai pas ressenti, cruellement ressenti, toute l'horreur de ma situation. Moi, vieille femme, la maîtresse du camarade, de l'ami de mon fils, vivant entre eux sous le même toit, et leur partageant mes caresses, à l'un caresse de mère, à l'autre caresse d'amante, et cela sous les yeux de ma fille, sous ceux d'un mari pour qui je n'ai réellement que de l'affection et du respect. Aussi cette horrible situation, je ne puis plus la supporter plus longtemps. Je suis à bout de force et il faut que ce supplice cesse. Il le faut pour vous, il le faut pour moi. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus être qu'une mère pour vous. Mais votre maîtresse, c'est impossible. Jamais, plus jamais. » Et de nouveau, elle se cacha le visage entre ses deux mains, haletante et perdue. Il avait écouté comme s'il ne comprenait pas, chaque parole nouvelle qui l'atteignait, le surprenant et le jetant hors de lui. Ce n'était pas cependant la première fois qu'elle pleurait sur sa faute et se déclarait la plus misérable des femmes. Ce n'était pas non plus la première fois qu'elle avouait sa tendresse et son estime pour son mari. Mais jamais il n'avait admis l'idée qu'elle pouvait vouloir rompre. Elle lui avait dit si souvent qu'elle l'aimait, qu'elle l'adorait, qu'il était un dieu pour elle, qu'elle ne voulait vivre que pour lui, qu'elle n'avait vécu que du jour où il l'avait aimée, qu'elle mourrait le jour où il ne l'aimerait plus. Et voilà qu'elle parlait de rupture. Voilà qu'elle déclarait fermement qu'elle ne serait plus sa maîtresse. Jamais, plus jamais. « C'est impossible !» s'écria-t-il tout à coup violemment, se répondant à lui-même, bien plus qu'il ne répondait à Madame Fourcy, et répétant le mot de celle-ci. Alors elle releva la tête, puis ayant abaissé ses mains, elle vint à Robert et l'attirant doucement. « Oh, mon pauvre enfant » dit-elle d'une voix que l'émotion et la tendresse contenue rendaient tremblante. « Mon pauvre enfant, comme je te fais souffrir ! Mais tu ne souffriras jamais plus que je n'ai souffert moi-même. « Si tu m'aimais, si je t'aimais, ah, peux-tu parler ainsi ? Mais n'est-ce pas justement parce que je t'aimais que j'ai différé jusqu'à ce jour cette résolution que j'ai arrêtée dans ma tête le lendemain même de ma faute ? C'est parce que je t'aimais que décidé à cette rupture lorsque j'étais loin de toi, je ne pouvais pas te l'annoncer lorsque tu étais près de moi. 20 fois, je me suis dit, ce sera pour aujourd'hui. Et je t'ai attendu, m'affermissant dans ma résolution, en me représentant l'horreur et l'indignité de ma situation. Mais tu paraissais, je subissais ton charme, j'étais entraînée, subjuguée, affolée, et je ne disais rien. Si je ne t'avais pas aimée, est-ce que j'aurais subi ce charme qui m'a perdue, moi, honnête femme, qui m'a mise sous ton influence si complètement que j'ai tout oublié, raison et honneur, dignité de la vie, sentiment du devoir et de la famille. De sorte que, sans en avoir conscience, je suis tombée dans tes bras, folle et ne m'appartenant plus, mourant de honte, mais aussi de joie et de bonheur. Alors, pourquoi veux-tu rompre ? Mais parce qu'il le faut. Il le fallait hier, il y a un mois, aussi bien qu'aujourd'hui, et tu n'as point parlé de cette rupture. Tu ne m'aimes donc plus aujourd'hui comme tu m'aimais hier, comme tu m'aimais il y a un mois ? Les circonstances n'étaient pas, il y a un mois, ce qu'elles sont aujourd'hui. Ce sont elles qui imposent cette rupture à ma volonté si longtemps hésitante. Quelles circonstances ? Une fois encore, au lieu de répondre, elle questionna. « Pourquoi, demanda-t-elle, avez-vous fait payer par la maison de banque le bracelet que vous m'avez donné ? Mon mari vient de m'en dire le prix, 17 000 francs. Il y a eu là une erreur commise par le bijoutier qui n'est pas de mon fait. Je devais payer avec un chèque et... » Mais elle l'interrompit. « Je me doutais bien que c'était le résultat d'une erreur. Mais vous devez reconnaître que cette erreur peut avoir des conséquences terribles pour nous. Pour moi au moins. Et j'avais comme un pressentiment de ce qui arrive en ce moment, en ne voulant pas l'accepter. Que n'ai-je écouté mon idée, au lieu de céder à vos instances ? Vous savez que quand mon mari a frappé à la porte de ma chambre, le bracelet était sur la table, avec les autres bijoux que vous avez tenus à m'offrir et que j'ai eu la faiblesse d'accepter. Un peu, j'en conviens, parce que j'aime les bijoux, mais surtout pour vous donner le plaisir de m'avoir fait plaisir. Effrayée par son retour, que je n'attendais pas à cette heure, et toute émue encore de tes caresses, j'ai perdu la tête. Je n'ai pensé qu'à te faire sortir, et j'ai laissé les bijoux sur la table, n'imaginant pas qu'il les remarquerait. Mais l'écrin neuf a attiré son attention par sa couleur rouge. Qu'as-tu dit ? J'ai inventé une histoire, absurde, bien entendu, et dont il s'est contenté sur le moment, parce que sa foi en moi est absolue, mais à laquelle il réfléchira, et qui alors ne lui paraîtra plus aussi croyable que lorsqu'il l'a entendue de mes lèvres. On sait maintenant que vous avez une maîtresse. Votre père veut savoir quelle est cette femme, et il a même demandé à mon mari de l'aider à la trouver. Ne voyez-vous pas que de recherches en recherches, il n'est pas difficile d'arriver jusqu'à moi ? D'autres n'auront pas la foi aveugle de mon mari, et ils admettront des soupçons que lui repoussera tant qu'on ne les lui imposera pas. Mais enfin, on peut les lui imposer, on peut lui ouvrir les yeux de force. Votre père surtout, qui a une si grande influence sur lui, voulez-vous que cela arrive ? Mais cela est impossible. Impossible ? Dites que rien n'est plus facile, au contraire. Qu'on aille chez le bijoutier, qu'on lui demande la description de ce bracelet, qu'on montre cette description à mon mari. Croyez-vous qu'il ne reconnaîtra pas tout de suite l'émeraude et les diamants qu'il a vus dans cet écrin, qu'il a été si fort surpris de trouver sur ma table, et dont je n'ai pu justifier la possession que par une histoire peu vraisemblable ? Alors que se passera-t-il ? Avez-vous réfléchi à cela ? Il ne répondit pas. Non, n'est-ce pas ? Jamais votre esprit ne s'est arrêté à l'idée que la femme que vous aimez pouvait être déshonorée et devenir un objet de mépris ou de risée pour tous. Mais moi, j'ai vécu sous l'obsession de cette horrible pensée depuis que je vous aime. Je l'ai tournée dans tous les sens et j'ai arrêté ce que je ferais le jour où ma honte serait publique. Ne le devinez-vous pas ? Je n'aurai qu'un refuge, la mort. Geneviève, te voilà éperdue, mon pauvre enfant, épouvantée. Tu ne veux pas que je meure, tuée par notre amour. Eh bien, moi non plus, je ne veux pas mourir. Non pour moi, car privée de ton amour, la mort serait un soulagement. Mais pour mes enfants que je ne veux pas abandonner, en ne leur laissant qu'un souvenir déshonoré. Je ne veux pas qu'ils me haïssent et me méprisent. Tu vois donc bien qu'il faut que cette rupture s'accomplisse. C'est un miracle que jusqu'à ce jour, la vérité n'ait pas éclaté. Mais si les choses continuaient telles qu'elles sont, demain, après-demain, dans quelques jours, fatalement elles seraient découvertes et je serais perdue. Dis si tu aimes mieux me pleurer morte que me pleurer vivante. Prononce toi-même. Ma vie, mon honneur, ma mémoire, l'honneur et le bonheur de mes enfants, de Lucien, ton camarade et ton frère, sont entre tes mains. Elle avait parlé rapidement, à demi-voix, sans faire un geste, car elle n'oubliait pas qu'elle pouvait être vue. Mais cette immobilité voulue, loin d'affaiblir ses paroles qui contrastaient si vivement avec son calme apparent, leur avait donné un accent plus saisissant encore. Elle se tut. « Eh bien, que les choses ne continuent pas telles qu'elles sont, » s'écria Robert, « qu'elles deviennent ce que tu voudras. Si tu juges qu'il est imprudent que je continue à rester dans cette maison, je m'en irai. Dès ce soir, je partirai. Si tu veux que nous nous voyions moins souvent, nous ne nous verrons que quand tu voudras. Tout, je me résignerai à tout. J'accepterai tous les sacrifices. Un seul excepté, celui dont tu parles, la rupture. Cela est impossible. Je le voudrais que je ne le pourrais pas. Et je le dirai que j'accepte cette rupture, que je pars, je reviendrai. Il faut partir cependant. Tu n'as donc jamais compris, tu n'as donc jamais senti combien je t'aime et ce que tu es pour moi, que tu parles de rupture. Plus que la vie, plus que l'honneur, plus que tout au monde. Vienne une circonstance où je puisse t'offrir cette vie ou cet honneur, et tu verras si j'hésiterai, si ce ne sera pas avec joie que je te les sacrifierai. Tu disais tout à l'heure que tu avais été irrésistiblement attiré vers moi. Par quoi, si ce n'est par cet amour que tu as vu si grand et si profond que tu en as été touché, qui était si puissant que de moi il est passé en toi, assez fort encore pour t'entraîner. Est-ce que si nous nous sommes aimés, ce n'a pas été parce que nous étions faits l'un pour l'autre ? Je l'ai senti, moi, alors que je n'étais encore qu'un enfant, qu'un gamin. Quand tu venais au collège voir Lucien, et que je te regardais, je t'admirais dans ta beauté, me disant que tu étais la plus belle des femmes, t'aimant déjà avant de savoir ce que c'était que l'amour d'une femme, mais le devinant par toi. Combien de fois ai-je rêvé de toi, non seulement endormie, mais éveillée, bâtissant mon avenir, et me disant que si j'étais aimée un jour, ce serait par toi. N'imaginant pas, ne sentant pas qu'il pouvait y avoir au monde une autre femme que toi. Et tu veux que nous nous séparions ? C'est la fatalité qui le veut, ce n'est pas moi. Tu disais que tu n'avais qu'à mourir si notre liaison était connue. Et moi, que me reste-t-il si elle est rompue ? Où aller ? Que faire ? À qui demander la consolation ? Tu as tes enfants que tu aimes et qui t'aiment. Moi, je n'ai personne à aimer et de qui je sois aimée. Sans toi, je suis seule au monde, puisque j'ai pour père un homme qui n'a jamais été et qui n'est encore père que de nom. De bonheur, je n'en ai à espérer que de toi, comme je n'en ai eu que de toi. Dans le présent, toi. Dans l'avenir, toi. Dans le passé, toi. Toi seul, et toujours toi. Tu vois donc bien que rien ne peut nous séparer, et que cette rupture, je ne l'accepterai jamais. Tu entends bien, jamais, jamais. Ce que tu voudras pour te mettre à l'abri des dangers que tu redoutes, je le voudrai comme toi, je le ferai. Mais cela, jamais, jamais. Ce n'était plus un enfant qui parlait, mais un homme passionné, en qui on devinait une inébranlable résolution contre laquelle toutes les paroles seraient impuissantes, au moins pour le moment. Elle ne répondit pas, mais le regardant, elle réfléchit pendant assez longtemps, tandis que, frémissant d'anxiété, il se penchait vers elle. « Eh bien, dit-elle enfin, puisque tu prends l'engagement de faire ce que je veux, voici ce que j'exige. Dans l'entrevue que tu auras avec ton père, tu lui promettras de rompre avec la femme que tu aimes, et pour bien prouver à tous que cette rupture est sérieuse, tu prendras une maîtresse bien en vue. Qui tu voudras? Une comédienne, une cocotte, peu importe. Ce qu'il faut, c'est une femme qui t'affiche et qui soit assez séduisante pour qu'on croie à votre liaison, à ton amour pour elle. Jamais. C'est cela ou rompre tout de suite, aujourd'hui même. Choisis. Mais il est entendu que je ne te dis pas de l'aimer, cette maîtresse. Chapitre 11. Le lendemain matin, un landau découvert était rangé devant le perron de la maison de Nogent et Madame Fourcy, au bras de son mari, descendait de sa chambre pour monter en voiture. Elle paraissait toute joyeuse, pleine de fraîcheur, de jeunesse, d'entrain. Et à voir le doux sourire qui éclairait son beau visage, on n'eût jamais deviné qu'elle traversait une crise. Les regards qu'elle attachait sur son mari ne parlaient que d'affection, et c'était tendrement qu'elle s'appuyait sur lui. Les enfants les attendaient dans le vestibule, prêts à partir. « Oh, maman !» s'écria Marcel en la regardant descendre. « Comme tu es jolie, comme ta toilette te va bien !» Alors Fourcy, attirant sa fille à lui, sans abandonner le bras de sa femme, l'embrassa pour la remercier de cette parole, de ce cri qui lui remuait si doucement le cœur. « Et moi ?» dit Lucien. « Toi, il fallait le dire avant moi !» s'écria Marcel. « Les grands sentiments sont recueillis !» dit Lucien sentencieusement. « Et ils trouvent le lendemain ce qu'ils auraient dû dire la veille !» continua Marcel en riant. Sans répliquer, Lucien s'approcha de sa mère et il l'embrassa. Puis se tournant vers sa sœur et lui faisant une révérence moqueuse, « S'ils ne savent pas parler, ils savent agir. »« Ne vous querellez pas, » dit Fourcy. « Vous avez raison tous les deux. Ainsi jugez sans plaidoirie, car nous n'avons pas le temps de nous livrer à des discours. » Ils montèrent en voiture. Au moment où Madame Fourcy venait de s'asseoir, elle leva les yeux en l'air et instantanément son visage souriant changea d'expression. À l'une des fenêtres du second étage, elle venait d'apercevoir Robert, qui les regardait et qu'elle avait oublié. « Qu'as-tu donc, maman ?» demanda Marcel, qui, placé vis-à-vis de sa mère, avait remarqué ce brusque changement de physionomie réellement frappant. Mais avant d'attendre la réponse à sa question, elle avait aussi levé les yeux dans la même direction que sa mère, et elle avait vu Robert. « Tiens, Robert qui est à la fenêtre ?» dit-elle. Et de la main, elle lui envoya un signe amical. Cela fit que tout le monde se tourna vers la fenêtre, Madame Fourcy comme son mari, sa fille et son fils, et que tous en même temps, ils dirent adieu à Robert. Madame Fourcy en inclinant la tête d'un air peiné, Fourcy de la voix et des deux mains, Marcel et Lucien d'un geste de camaraderie affectueuse. Pour lui, penché en avant mais sans s'appuyer sur le balcon, le visage blême, les yeux ardents, se tenant raide, il n'avait rien dit. Le cocher toucha ses chevaux qui partirent. « Ce pauvre Robert que nous abandonnons, dit Fourcy, j'ai eu envie de lui proposer de l'emmener. Je crois que cela le peine de nous voir partir sans lui. » C'eût été changer le caractère de cette matinée que de la partager avec un étranger, dit Madame Fourcy. C'est justement ce qui m'a arrêté, répondit Fourcy, bien que Robert ne soit pas un étranger pour nous. À mes yeux, il est presque le frère de Lucien. Je ne crois pas qu'il serait venu, continua Lucien. Il m'a dit qu'il avait à sortir ce matin. Fourcy pressa le genou de sa femme et la regarda avec un sourire entendu. Si Robert sortait, c'était bien certainement pour aller chez sa maîtresse et rompre avec elle. Il avait entendu raison, le brave garçon. La nuit avait porté conseil. Maintenant, il n'y avait pas à craindre de scènes violentes entre le père et le fils. Cette coquine allait être congédiée. Désormais, il n'y aurait plus qu'à payer les dettes qu'elle avait fait contracter, ce qui ne serait rien, si grosses que fussent ses dettes. Quel soulagement ! Comme il avait bien fait de lui adresser ses observations. Elles avaient porté, et aussi celles de sa femme, sans doute. Et pour lui, ce fut une satisfaction de penser qu'elle avait été son associée en cette affaire délicate, et qu'avec lui, elle avait contribué à arracher l'héritier de Charlemont à cette coquine qui l'aurait ruinée et perdue. D'ailleurs, continua Lucien, il n'est pas en disposition joyeuse. Quand je suis entrée ce matin dans sa chambre de bonne heure, je l'ai trouvée debout avec la même toilette que celle qu'il avait hier soir. Son lit n'était pas défait, il ne s'était pas couché. Alors, comme je lui demandais s'il n'était pas souffrant, il s'est jeté dans mes bras et il m'a embrassé. Vous pensez si j'ai été étonnée. J'ai voulu l'interroger, discrètement bien entendu. Il a refusé de me répondre. J'ai vu qu'il avait dû passer une partie de la nuit à écrire. Les choses vont mal avec M. Charlemont, dit Fourcy, qui ne pouvait pas entrer dans d'autres explications devant Marcel. Mais elles vont aller mieux, et d'ici quelques jours, Robert sera redevenu ce qu'il était autrefois. « Ah, bien tant mieux !» dit Marcel. « Il est vraiment trop fantasque !» On était entrés dans le bois de Vincennes. Madame Fourcy appela l'attention de son mari sur les jardins dont on longeait les grilles. Et alors la conversation changea. Robert fut abandonné, ce qu'elle avait cherché. Elle voulait être tout à son mari, tout à ses enfants, et que Robert ne vînt point se jeter au travers d'eux pour les attrister. Il fut vite oublié. En tout cas, on ne s'occupa plus de lui. Il y avait bien autre chose à faire, vraiment, que de parler d'un absent, car ils étaient tous à l'unisson, aussi heureux les uns que les autres. Le temps n'était plus cependant où la petite pensionnaire de Gonesse, la pauvre orpheline qui n'avait jamais quitté sa triste et misérable pension, trouvait des splendeurs sans pareil au restaurant Gilet. De même, il n'était plus où Lucien soutenait contre ses camarades de collège que le restaurant Gilet était le meilleur de Paris, et qu'il n'avait pas son pareil, ni pour le luxe de sa décoration, ni pour la cuisine qu'on y mangeait, ni pour les vins qu'on y buvait. Depuis, Madame Fourcy avait connu d'autres splendeurs, et Lucien avait bu d'autres vins. Mais ce n'était pas avec leurs idées présentes qu'ils allaient à ce déjeuner. C'était avec leurs souvenirs, la mère et le père aussi bien que les enfants. Aussi se trouvait-il dans les meilleures dispositions pour être satisfait de tout, puisqu'il fallait simplement que ce tout de l'heure actuelle, ne fut pas inférieur au tout de la dernière fois. Et ce jour-là, il lui fut supérieur, car il se trouva que c'était non seulement un anniversaire qu'il fêtait, mais encore l'aurore d'une ère nouvelle. Le jour que Madame Fourcy avait si fiévreusement désiré, si impatiemment attendu, était arrivé. La fortune pour elle n'était plus désormais qu'une affaire d'années. Dans un délai qu'elle pouvait calculer à peu près sûrement, elle se voyait riche. Le rêve que Fourcy avait secrètement caressé, sans oser le formuler franchement, même pour lui, était enfin réalisé. Tout ce qu'il avait souhaité, tout ce qu'il pouvait espérer, il l'avait, il le tenait. Jacques Fourcy de la maison Charlemont. Quel honneur ! Lucien se voyait l'associé de Robert Charlemont, c'est-à-dire, à 30 ans, une puissance, un personnage, un des rois de la finance parisienne. Marquise Colliot. C'était ce que se disait Marcel, car il était bien certain qu'en lui parlant comme il l'avait fait, son père n'avait eu d'autre but que de la préparer à ce mariage. Il y avait là pour chacun de quoi assaisonner les mets qu'on leur servait et développer le bouquet des vins qu'on leur versait. De même, il y avait de quoi aussi donner le sourire à leurs lèvres et l'entrain à leurs paroles. Le temps passa avec rapidité, et lorsqu'après le déjeuner, ils eurent fait le tour du bois de Boulogne dans leur voiture, Fourcy eut un mot qui traduisait leur satisfaction aussi bien que leurs espérances. « L'année prochaine, dit-il, nous recommencerons cette bonne promenade. Seulement j'espère que ce sera dans une voiture à nous, traînée par des chevaux à nous. » « Je demande à choisir les chevaux, dit Lucien. « Et moi la livrée, dit Marcel. « Et toi, demanda Fourcy en s'adressant à sa femme. « Oh, moi je ne demande à ne rien choisir du tout. Maintenant qu'il n'y a plus d'économies à faire, je donne ma démission d'acheteuse, chacun son tour. Vous n'avez plus besoin de moi, j'ai assez travaillé pour la famille. » « C'est juste, dit Fourcy. « Cependant, tu nous aideras bien de tes conseils. « Cela oui, volontiers. » Il fallait rentrer, car après avoir joui du commencement de leur journée entre eux, en famille, il fallait en partager la fin avec leurs amis. La voiture reprit grand train le chemin de Nogent. « Je pense que personne ne sera encore arrivé, dit Fourcy lorsque la voiture franchit la grille d'entrée. Mais il se trompait, car lorsqu'elle déboucha sur la pelouse, ils aperçurent, assis sur deux chaises à l'ombre d'un platane, un vieillard de grande taille et de forte corpulence, qui, son chapeau posé devant lui sur une table, prenait là le frais en attendant. « Monsieur Ladret, dit Marcel, déjà, quel ennui !»« Moi, je me sauve, dit Lucien, j'ai à préparer mon feu d'artifice. »« Veux-tu que je t'aide ?» demanda Marcel. « Oui, j'ai besoin de toi. » »« Tu sais, dit Madame Fourcy, s'adressant à son mari en riant, que si tu veux accompagner les enfants, je tiendrai compagnie à Monsieur Ladret. » « Oh, maman, quel courage tu as !» dit Marcel. Tout en parlant ainsi, ils étaient descendus de voiture, et pendant ce temps, M. Ladret, qui s'était levé et qui avait remis son chapeau, s'était dirigé vers eux, marchant lourdement, mais gravement, avec importance, en homme qui a la conscience de ce qu'il vaut. Et ce qu'il valait, ou plutôt ce que valait sa fortune, car pour lui, il ne valait pas cher, c'était 500 000 francs de rente qu'il avait gagnés dans les expropriations et des démolitions de la ville de Paris, et qui, selon son sentiment, devait lui tenir lieu de ce qui lui manquait, c'est-à-dire de la jeunesse, de l'éducation, de la politesse, de l'esprit, de la bonté, de la générosité. Ce qui lui faisait dire, bien souvent, d'un ton sentencieux, avec la conviction d'un homme qui n'a jamais reçu de démenti, « Quand on a le sac, on a tout. » Et le sac, il l'avait d'autant mieux rempli qu'il ne l'ouvrait pas facilement, vivant seul, sans femme, sans enfant, sans famille et presque sans amis. « Les amis, disait-il souvent, ça mange votre dîner en prenant toujours les meilleurs morceaux. Et le soir, lorsqu'il s'en retourne à 2 ou 3, ça vous écorche. Je connais ça. » Il connaissait ça d'autant mieux que c'était ainsi qu'il procédait à l'égard de ceux qui voulaient bien l'inviter.